coffre. Quel noir? Du lard, l'adjoint. J'ai des frères en prison qui ne continuent pas. Pas de l'OV, gros, le compte y est pas. Dans le haram, on m'a dit ne continue pas. Je connais ta mère, si je tire, je tue pas. Tu fais le voyou, n'a le shaitan. Je garde mon calme, c'est jour moi. Samedi, je te cherche, samedi, je te trouve. Je t'allume ta mère, je fais comme dans Gomorra. Je connais des mecs, des carteurs, c'est des pros. Je fais pas confiance, la nourrice fait des trous. Tu chantes partout que t'assumes ton poteau, mais tu connais même pas son numéro d'écrou. Il est pas né, lui qui va me raqueter. Je lui nique sa mère, ses petits frères de gaieté. C'est bizarre, poteau, toi t'as toujours volé. T'as fait de la gardave, mais t'es jamais rentré. Maman t'en fais pas, ton fils c'est un homme. J'ai fait des sous, je me prends pas pour un autre. Oui j'ai du mal à respecter les autres. Moi je suis marié, allez dites-leur qu'elle sort. Le soir je dors pas, ça c'est flippé. Je parle avec ceux qui te secouent la vaisselle. J'avais un groupe, coup de pied au cul. Frérot, je préfère largement ta vaisselle. Sans compter match, je mets du mille. L'argent c'est de l'eau, si je perds c'est pas grave. Sors ta calage, mets-toi là dans le cul. Braque-moi deux fois par Allah, j'ai pas grave. Je fais pas de feed, moi sinon faut payer. Je m'en bats avec la gentillesse à peiner. On a cassé des bouches, cassé des culs. Pour casser la croûte, on a cassé le bélier. Bijoux en or, on a pété des coffres. Bien avant que les miens m'appellent le coffre. Pour ceux qui vont gratter jusqu'en Écosse. Pour ceux, pour les gros et les petits torses. Découpe la plaque sur un fond de Niro. J'ai fait un film, la mère à De Niro. Maman, t'inquiète pas, je suis pas dans les rôles. T'es pas mon gros, toi t'es pas mon héros. Je sors ce couplet tout au fond des ténèbres. Je pèse tes rebeux, je pèse tous tes nègres. Sur la vie de la femme qui m'a fait naître. Ingérable et déterre comme un fennec. Je suis plus touché par la mort de Hesni que celle de Tupac All Eyes on Me. Je suis en Z1000, dans l'insomnie. Je dors pas cette nuit car je traque mes ennemis. Sur le terrain, je mouille le maillot. Je vais dans le shit, dans la machin. On a la frappe à ma chasse, imagine la gadji cache la marchandise dans le vagin. Je suis pas méchant, mais je sais pas lécher. T'es pas mon père salope, je suis pas ton fils. Gros t'as pas un, zéro bénéfice. Je suis pas ton père salope, t'es pas mon fils. Trop fier de moi, je vends de la drogue. Imbécile heureux, je nique ta vocation. Fiche de recherche, perquisition. Je ne déterai pas ta convocation. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour délover? Vendre mon âme, seigneur désolé. Bon homme avec nous, pute avec vous. Les balances de mes couilles aux isolés. Je suis pas Clio, Audi RS. J'arrive dans le game, en Bugatti. Pour moi c'est mort, je pars en enfer. Je construis sur terre, mon paradis.